Ceci est un audio généré issu de l'article sur le Green Deal, transition verte ou grande illusion, disponible sur le site conspiracte.com. Les sources utilisées sont disponibles sur le site. Bonne écoute à vous. Green Deal, transition verte ou grande illusion? Ce que l'Europe ne crie pas sur tous les toits. On t'a déjà vendu le Green Deal comme la solution miracle pour sauver la planète? Petite musique douce, job vert, nature retrouvée, avenir radieux. Mais attends. Tu t'es déjà demandé ce qui se cache derrière la vitrine? Certains le disent ouvertement, l'Europe doit devenir le premier continent neutre en carbone, Ursula von der Leyen. Super slogan. Mais tu vas voir que, derrière, la réalité tremble un peu. Prêt à regarder de l'autre côté du décor? Le Green Deal, c'est le plan européen pour transformer l'économie, viser la neutralité carbone et accélérer la transition écologique à grande échelle. 2. Les faces obscures du Green Deal. Sur le papier, le Green Deal impressionne. Ce pacte promet tout, transition rapide, industrie plus propre, vie meilleure. Sauf que, l'envers fait frissonner. Derrière chaque directive, tu trouves un océan de réglementation. Les agriculteurs sortent dans la rue, trop de contrôle, emplois menacés, galères pour produire sans s'étouffer. Les chefs d'entreprise râlent. Un dirigeant européen prévient, la transition ne doit pas exclure ceux qui bossent déjà. Certains accusent en chuchotant le greenwashing généralisé. On pose de belles affiches mais, dans l'ombre, les vraies solutions avancent mollement. Et encore pire, certains plans font exploser les prix, fragilisent les plus petits et rendent l'écologie inaccessible. Les promesses s'envolent, les inquiétudes restent. Et la suite? 3. Mise en œuvre nationale, entre acrobatie et résistance. Et maintenant, comment chaque pays applique le Green Deal? Chacun adapte la recette à sa sauce. Certains foncent, d'autres traînent la patte, d'autres bricolent des lois en douce. La France parle beaucoup de planification verte mais ralentit sur l'agriculture. En Allemagne, les usines protestent. La Pologne, elle, tente d'esquiver les règles les plus dures. Tu le sens, derrière les déclarations, la réalité, c'est un casse-tête. Les plans se multiplient, souvent illisibles et changeants. Un ministre l'a dit sans filtre, la transition sera rude pour certains territoires. Le suspense, c'est de voir qui gagnera, adaptation sincère ou contournement malin. 4. Rouages cachés et stratégies d'influence. Tu crois que tout se joue au Parlement? Détrompe-toi. Les vraies batailles se passent dans les réunions à huis clos. Lobby, alliance improvisée, amendement glissé à la dernière minute, c'est le grand théâtre de la loi. Les industriels pèsent, les ONG alertent, et les politiques jouent aux équilibristes. Des révélations récentes montrent comment certains groupes obtiennent des passe-droits, en échange de promesses vertes jamais tenues. Un rapport d'enquête le clame, sous prétexte d'écologie, des intérêts bien cachés gagnent gros. 5. Conséquences et suspense, la réalité fait surface. Après tous ces débats, le Green Deal laisse des traces. Les inégalités remontent. Certains territoires perdent des emplois, d'autres voient les prix exploser. Les industries se déplacent là où les lois sont plus souples. Les extractions minières explosent loin de l'Europe, comme pour nourrir la transition. Des rapports alarmants sortent, le Green Deal risque de creuser les fractures sociales. Des chiffres tombent, parfois ignorés. Mais derrière les belles promesses, beaucoup s'interrogent sur le vrai prix de cette transition verte. Le vrai coût du Green Deal, bien plus qu'une facture. Le Green Deal européen coûte plus de 1 000 milliards d'euros en investissement public. Les prix de l'énergie, des rénovations et de l'industrie grimpent. L'application du plan creuse les inégalités, favorise la délocalisation et pousse à l'extraction de ressources hors Europe. Derrière la facture, il y a des conséquences sociales et écologiques souvent discrètes, mais bien réelles. Le vrai prix du Green Deal, c'est autant l'argent dépensé que ses impacts sur les citoyens et l'environnement. Qui sont les grands gagnants du Green Deal? Le Green Deal favorise d'abord les grandes entreprises des énergies renouvelables, du BTP vert et de la tech environnementale. Elles récupèrent contrats, aides publiques et marchés en pleine expansion. Les pays déjà avancés, Danemark, Suède, attirent profit de leur avance verte. Les groupes financiers, fonds éthiques, banques, investisseurs, voient leurs placements verts décoller. Les géants du numérique profitent du boom de la digitalisation propre, alors que les grands acteurs de l'extraction minière hors UE vendent matériaux clés pour batteries et technologies vertes, même si la planète trinque. Ces gagnants sont surtout les plus gros acteurs, les territoires déjà prêts et les groupes capables d'imposer leurs solutions. Les grands gagnants du Green Deal, des noms déjà connus et leurs avantages. Parmi les gagnants du Green Deal, on retrouve des noms déjà bien connus, Heidelberg Material, Ciment Décarboné, Verso Énergie et Teunergie, Énergie Renouvelable, IDEX Infra, Solutions Énergétiques, Schneider Electric et Siemens, Automatisation et Efficacité Énergétique, Orano Hydro Recycling, Recyclage des Batteries, ou encore Renault, Mobilité Électrique. Pourquoi eux ? Parce qu'ils sont déjà leaders sur leur marché, possèdent les technologies et la capacité financière pour répondre aux exigences strictes du Green Deal et peuvent investir dans l'innovation rapidement. Leurs équipes de lobbying et d'ingénierie les placent en pole position pour décrocher financements publics, subventions massives et contrats européens. Résultat, ils imposent leurs solutions partout où la transition verte devient obligatoire et raflent les bénéfices de ce virage écologique imposé à grande échelle. Impossible d'ignorer le rôle des lobbies dans ces victoires. À Bruxelles, ces groupes d'influence orchestrent souvent les avancées ou les reculs des lois vertes. Pour en savoir plus sur ces coulisses, découvre comment les lobbies opèrent à Bruxelles.